Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 2 mars 2021, il est 14h01, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission désormais quotidienne proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple. Chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Madame Brigitte Tissot, qui est venue nous parler du concours international de piano d'Épinal. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, malgré le contexte un petit peu difficile que nous traversons et qui a bien sûr un impact net sur ce concours international de piano, comme je vous l'expliquerai. Oui, on va en parler tout au long de cette émission jusqu'à 15h. Donc tout d'abord, je pose toujours cette même question à mes invités, afin que nos auditrices et nos auditeurs puissent déjà les connaître un petit peu. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Brigitte Tissot. Dans ma vie active, j'étais journaliste. Je suis maintenant retraitée. J'ai donc pas mal de temps libre et j'ai pu mettre ce temps libre notamment au service du concours international de piano que je suivais depuis très longtemps comme mélomane, on va dire. Et donc, depuis quelques années, j'en assume la communication. D'accord. Et vous en assumez la communication bénévolement ? Oui, bien sûr. Alors, au comité du concours international de piano, il faut savoir qu'on est une quinzaine de personnes et que nous sommes tous bénévoles. D'accord. On fait vivre ce concours qui ne coûte rien en termes de salaire, en tout cas. C'est vous qui avez décidé de faire de la communication en tant que bénévole ou c'est un poste qu'on vous a, entre guillemets, imposé ? C'est un poste qu'on ne m'a pas imposé, mais qu'on m'a forcément proposé de par mon métier de journaliste. On a pensé que, au moment où je suis entrée au comité, ça manquait un petit peu et donc on m'a proposé d'occuper ce poste. D'accord. Depuis combien de temps le concours international de piano d'Épinal, existe-t-il ? Alors, c'est un très très vieux concours, puisqu'il a été créé en 1970. D'accord. Un peu dans la lignée, je dirais, du concours artistique, qui lui existe toujours par ailleurs. Mais à l'époque, Madame Suzanne Chevalier, qui est décédée maintenant depuis longtemps, avait eu cette idée de créer ce concours international, qui a démarré tout petit en fait, puisque l'édition par exemple de 1973 comptait 20 candidats. Et puis il a surtout pris son essor à partir de 1979 parce que là il a obtenu l'agrément de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique. D'accord. Et à ce moment-là il a acquis une visibilité au niveau mondial qui lui a amené de plus en plus de candidats. D'accord. Okay. Au point d'ailleurs, je précise, quant au nombre des candidats, c'est qu'il y a quelques années, on a été amené à mettre un numerus clausus d'une centaine, parce que au-delà, il devient au plan logistique impossible à mener, et donc on est obligé de mettre un numerus clausus, sinon on aurait trop de candidats. D'accord. Oui, donc une limite de candidats. C'est ça. Sachant que quand on a une centaine d'inscrits, il y a toujours des défections. Donc, on accueille en général à Épinal autour de 80 concurrents, ce qui est une petite déperdition entre les inscriptions et la participation effective des concurrents. D'accord. Donc, où le concours international de piano d'Épinal se déroule-t-il ? Donc, il se déroule à Épinal, comme son nom l'indique, mais dans quel bâtiment d'Épinal ? Alors, il y a un peu deux endroits, c'est-à-dire que l'essentiel des épreuves qui se déroulent sur une semaine, c'est au théâtre d'Épinal. D'accord. Avec des ça c'est intéressant de souligner que au fil du temps, le concours s'est beaucoup ouvert au public. Au début, il se faisait un petit peu comme ça en comité restreint. La population n'était pas beaucoup informée. Petit à petit, les gens ont appris qu'ils pouvaient venir assister aux épreuves. Et maintenant, on a vraiment fait des efforts pour que pour que le public vienne écouter les concurrents, sachant que c'est gratuit toute la semaine, ces épreuves. D'accord. Et puis, la finale, qui a lieu au bout d'une semaine, le dimanche, a lieu généralement à la salle de la Rotonde de Taon. Et là, c'est sous la forme d'un concert payant. D'accord. Puisque on a environ 80 concurrents au départ. Et à l'arrivée, on a... Et les épreuves sont éliminatoires, il en reste 4 à la fin, mm-hmm. qui jouent un concerto accompagné par un orchestre. Et ça, c'est sous la forme d'un concert qui est payant. D'accord. Alors cette année, bien sûr, hein, la 28e édition qui devait avoir lieu au départ bientôt, hein, c'est-à-dire du 20 au 28 mars, c'est une édition qui est tout à fait exceptionnelle puisqu'on a dû complètement revoir l'organisation. Donc, comme vous l'imaginez, impossible de recevoir ses concurrents et de... que les épreuves se déroulent en présence à Épinal en mars. Donc on a eu beaucoup d'épisodes hein, depuis l'automne où on a réfléchi de toutes les manières comment on pouvait maintenir ou pas ce concours. On a traversé beaucoup d'incertitudes et puis alors on a décidé que de toute façon la première épreuve où on accueille généralement 80, à peu près, hein, 80 concurrents qui viennent de partout dans le monde, ça fait un bon moment que ça nous paraissait impossible. Parce que, d'abord, il fallait que ces concurrents aient la possibilité de quitter leur pays, de prendre des avions, il y avait tout ce problème de passage des frontières, etc. Après, il fallait encore pouvoir les accueillir à Épinal. C'était très compliqué, donc... Ça fait longtemps qu'on a décidé exceptionnellement de faire la première épreuve sous forme de vidéo. C'est-à-dire que les concurrents ont envoyé des vidéos qui ont été jugées par le jury. Hein. Toute façon, les épreuves sont toujours éliminatoires. Donc, généralement, ils viennent tous à Épinal, mais après la première épreuve, il va seulement y en avoir une trentaine qui vont poursuivre l'aventure. Donc là, au lieu que cette épreuve ait lieu à Épinal au théâtre, elle a eu lieu sous forme de vidéo et il y a 28 concurrents qui ont été retenus. Malheureusement, on ne peut pas ce printemps les faire venir à Épinal. Donc, comme le concours a lieu tous les 2 ans, on a décidé que l'édition 2021 allait se dérouler sur 2 années, c'est-à-dire première épreuve, elle est faite, les 28 concurrents ont été sélectionnés et la suite des épreuves, ce sera du 6 au 13 mars 2022. D'accord. Voilà. Donc comme vous l'avez un petit peu dit, cette année il y a 80 concurrents à peu près. Et vous avez dû... Alors oui, non, alors excusez-moi, d'habitude, donc oui, quand le concours se déroule normalement, donc on part généralement sur une centaine d'inscrits, environ 80 qui sont présents à Épinal, les autres finalement abandonnant leur participation. Et cette année, alors comme on a fait cette première épreuve en vidéo, on était vraiment dans l'expectative parce que comme c'était tout nouveau, on n'avait aucune idée du nombre de vidéos qu'on allait recevoir. Et alors, on en a reçu 103. D'accord. C'est-à-dire que tous les inscrits, on avait un petit peu dépassé les 100 inscrits, mais voilà. Et ils ont tous envoyé une vidéo, donc on avait 103 participants à la première épreuve, et de cette épreuve, il y en a 28 qui ont été retenus. D'accord. Donc habituellement, on va dire en contexte normal, vous devez mettre, comme vous l'avez dit, un numerus clausus. Donc est-ce que c'est un peu comme si on disait premier arrivé, premier servi, ou pas ? Oui, alors c'est exactement ça, hein, puisque notre concours, en fait, on ne fait pas de présélection. Je dirais que la présélection, elle se fait un petit peu naturellement par rapport au programme qu'on propose, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient participer au concours d'Épinal, il a travaillé un certain nombre de morceaux, dans l'hypothèse où il ira peut-être jusqu'à la finale, donc c'est un gros travail, c'est un travail de virtuose. On leur demande en outre de jouer sans partition. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait de par la nature et les conditions des épreuves auxquelles on les soumet. Mais c'est effectivement premier inscrit, premier servi. Hein, on ouvre les inscriptions à l'automne, on les ferme généralement en février. Et là, bon, ben ceux qui arrivent, si on a nos 100 inscrits avant le mois de février, on est tout à fait libre de clore les inscriptions. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ce concours ayant déjà commencé, la première épreuve ayant déjà eu lieu, oui. Quelles étaient les différentes, on va faire une petite rétrospective, quelles étaient les différentes étapes à suivre par les concurrents pour pouvoir s'inscrire et pour que leurs inscriptions soient valables et validées? Alors, ils s'inscrivent par Internet, hein, et puis on leur demande aussi, alors leur engagement se fait par aussi une participation financière. Alors, je n'ai plus le chiffre très précis en tête, mais c'est un petit peu au-dessus d'une centaine d'euros d'inscription. Sachant que même s'ils s'inscrivent et qu'ils décident finalement de ne pas participer, on ne les rembourse pas. Hein. Ils sont inscrits. Mais c'est le paiement de l'inscription qui valide véritablement leur inscription. Et cet argent, nous, on en a quand même besoin, même si ce n'est pas des sommes énormes, mais multiplié par le nombre de concurrents, ça représente une partie de notre budget. Bien sûr. Et justement, les concurrents, si... Ils pouvaient quand même bénéficier d'un remboursement. Et si oui, dans quelles conditions vous pouviez les rembourser? C'est-à-dire que si on avait été amené à annuler le concours, à ce moment-là, on aurait dû les rembourser. D'accord, ok. Donc, je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une première fréquence, comme j'aime à les appeler, dans un premier morceau musical, et que nous écoutions le président du jury de cette année... Constantin Sandou, j'espère que je le prononce Sandou, bien. Sandou, oui, Sandou, c'est ça, oui. Qui nous joue la Mazurka OP33 numéro 1 de Chopin. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ça? Oui, très bien. Alors, on s'écoute ça et on se retrouve juste après cette petite pause musicale d'environ 2 minutes. A tout de suite. vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Constantin Sandou, donc le président du jury de cette année, avec une musique, enfin, oui, un morceau de Chopin, la Mazurka Opus 33 numéro 1. Vous êtes toujours en direct, comme je le disais. Vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il est 14h, presque 14h16. Et vous nous écoutez peut-être chez vous, sur votre lieu de vacances, au travail ou encore sur la route. Donc si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie de Brigitte Tissot qui est venue nous parler de la 28e édition du concours international de piano d'Épinal. Ça va toujours ? Très bien. Parfait. Donc pour ce concours international de piano d'Épinal, je crois savoir qu'il y a également des bénévoles, bon, on en a déjà un petit peu parlé, des bénévoles qui travaillent sur ce projet. Donc, vous êtes une quinzaine de bénévoles ? Oui. Quels sont leurs rôles ? Est-ce que chaque bénévole a le même rôle ou est-ce que chacun a un rôle différent ? Non, alors, je veux dire, certains ont des fonctions plus importantes que d'autres. Hein. Quand je dis plus importantes, c'est pas forcément en termes de gloire, mais en termes de travail, ça c'est sûr. Alors, ouais, je voulais dire un mot de du président du comité, qui est depuis janvier 2018, Olivier Moulin. Alors, Olivier Moulin est lui-même pianiste. Il enseigne au Conservatoire d'Épinal et il est un ancien lauréat du concours. D'accord. Voilà. Après, ben, comme dans chaque association, on a un trésorier qui surveille de près les finances. Hein, bien sûr. Puisque, ben, comme dans toute association, il faut qu'on arrive à toujours rester à flot. Et puis, bon, moi, je m'occupe de la communication. D'autres ont des rôles plus discrets, mais en tout cas, pendant le déroulement du concours, là, on a une très forte mobilisation de tout le comité parce que pendant 8 jours au théâtre, on est constamment présent et constamment présent à différents postes parce que il faut qu'il y ait toujours plusieurs personnes à la loge du théâtre qui pour à la fois renseigner les spectateurs qui viennent assister aux épreuves, les guider, enfin voilà. Il faut qu'on s'occupe de l'accueil des concurrents qui viennent passer leurs épreuves. Donc, on est... il faut que quand ces jeunes concurrents arrivent au théâtre, alors que, bon, bien sûr, ils sont tous un peu stressés, ils viennent de très loin pour ce concours, c'est un enjeu important pour eux. On les chouchoute, je dirais, dès qu'ils arrivent devant le théâtre, on les prend en main du début à la fin. Donc, tout ça, ça nécessite du monde. Il y a aussi toujours quelqu'un qui s'occupe des membres du jury, dans les moindres détails, de leur assurer le thé, le café à la pause, etc. Parce que eux-mêmes, ils ont un travail qui est très dur. Hein. Toute la journée, ils écoutent ces jeunes pianistes auxquels ils doivent une attention de chaque seconde. Donc voilà, on s'efforce que eux aussi soient dans les conditions les meilleures possibles. Et à ce moment-là, c'est vrai que la totalité du comité est sur le pont toute la journée pendant cette semaine-là. D'accord. Voilà. Après, dans les deux années qui sont entre un concours et un autre, évidemment que l'intensité du travail n'est pas le même. Mais en tout cas, c'est quand même une très grosse organisation. Bien sûr. Donc, ce concours international, il a lieu tous les 2 ans, c'est ça ? Voilà, il a lieu tous les 2 ans. Donc là, on est sur l'édition 2021 qui va se faire entre 2021 et 2022, mais là, c'est une situation exceptionnelle. Et puis, ben, on espère bien sûr qu'en 2023, ben, on pourra reprendre un rythme tout à fait normal et un déroulement tout à fait habituel de notre concours. Bien sûr. Donc, pour ce concours, on en a un petit peu parlé. Vous avez des participants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Oui, alors là, je peux vous préciser que sur les 28 concurrents qui ont été sélectionnés à l'issue de la première épreuve, on a 14 nationalités différentes. D'accord. Alors, on a les plus nombreux, ce sont les Coréens du Sud. D'accord. On a également notamment des Japonais, et puis on a trois Français. Je le signale parce que, comme c'est un concours international de haut niveau, trois Français à l'issue de la première épreuve, il y a quelques fois, on n'en a même pas autant. D'accord. Voilà. Donc, ça vous montre un petit peu la multiplicité des nationalités qu'on a à chaque concours. D'accord, oui, c'est très divers. Oui, voilà. Alors, curieusement, on a très souvent, on a un peu plus d'hommes que de femmes. Et là, à l'issue de la première épreuve, ont été sélectionnés 20 hommes et 8 femmes, qui se situent donc dans une tranche d'âge entre 17 et 30 ans. 30 ans étant l'âge limite pour la participation. D'accord. Et l'âge minimum ? L'âge minimum, c'est 16. D'accord. Okay. Voilà. Alors, d'ailleurs, cette idée d'âge limite à 30 ans, vous savez que, il y a eu un moment avec donc cette crise du Covid, on a examiné un petit peu toutes les possibilités qu'on avait, et évidemment que la tentation, c'était aussi de purement et simplement annuler cette édition 2021. On y a pensé, forcément. Et un des arguments pour la maintenir, c'était de se dire, parmi les gens qui ont prévu de s'inscrire, il y en a qui ont 30 ans cette année. D'accord. Et si on annule cette édition, pour eux, c'était la dernière chance qu'ils avaient de pouvoir participer à ce concours. Bon, ça a été parmi d'autres un des éléments qui nous ont convaincus de vouloir maintenir ce concours 2021. D'accord, ok. Donc, comme nous le disons, il y a des diversités, des nationalités toutes différentes du monde entier. Donc, ça fait que beaucoup de participants logent chez des familles d'accueil. C'est ça, oui. Donc, comment est-ce que ça se passe pour savoir quel participant va chez quelle famille d'accueil ? Ah oui, alors là, c'est une question intéressante. Alors déjà, on propose aux jeunes pianistes qui s'inscrivent un hébergement en famille. D'accord. Alors, il faut savoir que la grande majorité d'entre eux optent pour cette formule. Bon, pour différentes raisons. Évidemment, on peut pas. Il y a forcément la motivation financière, parce que déjà, ils viennent de loin, ils ont des frais de déplacement. Bon, il y a cette motivation. Et puis, pour certains d'entre eux, il y a aussi le souhait de ne pas se retrouver tout seul dans une ville inconnue, dans un hôtel. Voilà, il y a aussi l'idée d'avoir un peu une sorte de cocon familial. Donc, on a beaucoup, beaucoup de demandes. On ne leur garantit jamais. On leur dit qu'on va faire tout notre possible pour leur trouver un hébergement en famille, mais que voilà, on peut pas le garantir. Dans la réalité, on arrive toujours à les caser parce que on a déjà tout un noyau de familles qui nous sont très fidèles, qui à chaque concours proposent un hébergement. Et puis quand certaines familles ne peuvent plus, on en recrute d'autres. On a un petit volant comme ça de familles qui fait qu'on arrive toujours à caser nos concurrents. Évidemment, pour nous, la famille idéale, c'est la famille qui possède un piano. Parce que, évidemment, que ces jeunes ont besoin de travailler leur piano tous les jours. Donc, ça, c'est le modèle privilégié. Mais on a des familles qui ont un piano, qui veulent bien le mettre à disposition d'un concurrent, mais qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas la place pour l'héberger. Et puis, par ailleurs, on a des familles qui nous proposent un hébergement, mais qui n'ont pas de piano. Alors, on a l'habitude de créer des binômes, comme ça, entre deux familles. De préférence, des gens qui n'habitent pas trop loin les uns des autres et qui peuvent s'arranger entre eux. Et donc, on a ces binômes piano, famille d'hébergement qui fonctionnent aussi assez bien. Et alors, pour le choix des familles, vous savez qu'on est... Je ne veux pas nous vanter, mais on a quand même une certaine expérience et les personnes du comité qui s'occupent de ça font ça très bien. C'est-à-dire que chaque famille remplit une fiche d'inscription sur notre site internet. avec les langues parlées. On leur demande même si ils ont une préférence pour un homme, une femme. Enfin, bon, voilà. De leur côté, les concurrents vont mettre aussi quelles sont les langues qu'ils sont capables de parler. Et puis, alors, on a même des particularités du style l'allergie aux poils de chien, aux poils de chat. Enfin, voilà. On tient compte de tout ça. Alors, on commence par placer ceux qui ont... je vais vous prendre un exemple concret. On a, par exemple, un concurrent chinois, et dans nos familles d'Épinal ou des environs, on a une famille où quelqu'un parle le chinois. D'accord. Alors là, on a deux cas qui sont assez rares, donc forcément, on va les mettre ensemble. Bien sûr. Va mettre le chinois dans la famille qui parle le chinois. Voilà, on fait des appariements linguistiques, ce qui fait que en général, il y a toujours un terrain linguistique d'entente entre les concurrents et leur famille d'accueil. Et puis, en dernier, on place les Français, puisque eux n'auront pas de problème linguistique. Donc, s'il y a des familles qui ne parlent pas l'anglais, qui ne parlent aucune langue étrangère, on fera en sorte de leur mettre un concurrent français. D'accord. Voilà. Ok, mais du coup, les bénévoles pour ce concours ainsi que le jury, ils doivent obligatoirement parler plusieurs langues ? Oui, alors les bénévoles, oui, alors y en a un certain nombre qui parlent au moins un peu l'anglais. Disons que on s'organise pour que au théâtre, dans les différents postes et surtout à l'accueil du théâtre, à la loge du théâtre, y ait toujours une personne qui parle l'anglais. Oui, toujours. On s'arrange comme ça. Le jury, alors ce sont des pianistes qui font une carrière internationale, qui parlent tous l'anglais, donc avec eux il n'y a pas de problème. Certains parlent le français. Alors on peut dire quelques mots du jury. Ils sont six. On s'arrange pour qu'il y ait une sorte à peu près de parité homme-femme, pour qu'ils représentent des nationalités différentes. Pour cette année, par exemple, on a alors le président du jury. Alors certains reviennent dans le jury plusieurs fois, mais au-delà de 3 ou 4 fois, ils ne reviennent plus, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un renouvellement. Il ne faut pas que notre jury soit toujours le même. Donc on a toujours un renouvellement au moins partiel du jury. Et si on prend le président de cette année, qui est un Roumain, Constantin Sandou, il a déjà participé comme membre du jury. Cette année, il est président. Bon, dans les prochaines éditions du concours, il ne reviendra pas. D'accord. Hein? Voilà. Donc, il y a lui cette année. On a le pianiste français Pascal Roger. On a une pianiste japonaise. On a un franco-arménien, un israélien et un allemand. D'accord. Voilà, comme ça, si vous voulez, ça, même si ce sont des pianistes qui font leur travail de manière très sérieuse et très impartiale, la multiplicité des nationalités fait que on ne risque pas de les taxer, justement, de privilégier des concurrents qui viendraient de leur propre pays. Bien sûr, voilà. D'accord. Donc, j'imagine que c'est beaucoup de pression, que ce soit pour les participants et participantes, ou pour les personnes, travaillant sur ce concours, de savoir que ce concours se déroule entièrement sur une semaine. C'est beaucoup de pression. Oui, alors c'est surtout un rythme soutenu pour tout le monde, et je dirais particulièrement pour le jury, parce que ce sont des journées très chargées. Et alors ça se déroule généralement en gros les épreuves entre 9h le matin et 18h, 18h30, mais il est arrivé quand on a eu vraiment beaucoup de concurrents qu'on fasse des nocturnes, c'est-à-dire que une pause, le jury fait une pause dîner rapide en fin de journée, et qu'on reprenne encore des épreuves à partir de 20h30. Alors ça, ce sont des journées qui sont très dures pour le comité et pour le jury, mais j'avoue que les spinaliens apprécient parfois ce genre de nocturne, parce que les gens qui travaillent dans la journée sont assez contents de, en quelque sorte, venir au concert le soir. Mais bon, nous, c'est vrai qu'on essaye d'éviter les nocturnes, mais quelquefois, on est amené à en faire, oui. Bien sûr. Je vous propose, avant de reparler du jury, tout ça, des candidats et candidates, de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième morceau musical, et que nous écoutions un des choix possibles pour les concurrents. Donc, Prélude and Fugue, numéro 2, in C minor, BWV 847, on va le faire en français, c'est mieux, en C mineur, BWV 847, de Bach, il me semble, et Sviatoslav Richter. Voilà, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Et du coup, on s'écoute ce petit morceau et on se retrouve juste après. De retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM. Il est 14h34 où vous nous écoutez sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter un des choix possibles pour les concurrents, le morceau intitulé Prélude and Fugue numéro 2 in C minor BWV 847 de Jean-Sébastien Bach et Sviatoslav Richter. Donc nous sommes toujours bien sûr en compagnie de Brigitte Tissot qui est venue nous parler de la 28e édition du concours international de piano d'Épinal. Ça va toujours ? Très bien. Donc avant de parler, on a un petit peu discuté en off, avant de parler des différentes épreuves, est-ce qu'il est possible lors d'une représentation d'un des candidats ou d'une des candidates que le jury l'interrompt ? Et si oui, pour quelle raison ? Oui, alors en théorie, c'est possible. Hein. C'est-à-dire que ils ont une petite clochette qu'ils ont le droit d'agiter au cas où un concurrent, au bout de 5 minutes, il considère que voilà, il n'ira pas au-delà. J'avoue que ils en usent que très très rarement, d'accord. Parce que voilà, bon, c'est quelque chose qui est assez violent. Et donc, il faut vraiment, vraiment que le concurrent soit, soit très mauvais, ou alors il y a un deuxième cas de figure possible, c'est que il est dépassé le temps, hein, parce que ils ont un choix de morceaux, hein, qui est assez large, dans lequel ils doivent puiser, mais pour organiser leur programme, ils ont aussi un temps limite, hein. C'est-à-dire que la première épreuve, donc celle qui s'est faite cette année par vidéo, ne doit pas dépasser, leur programme ne doit pas dépasser 20 minutes. D'accord. La deuxième épreuve, ça ne doit pas dépasser 35 minutes. La troisième épreuve, il y a une marge de manœuvre, c'est 40 à 50 minutes. Et la dernière épreuve, la finale, c'est le concerto avec orchestre. Bon, on y viendra plus tard. Mais donc si vraiment ils ont mal évalué leur programme et que le temps dépasse largement, le jury a le droit de les interrompre. C'est donc possible, ça se fait rarement. D'accord. Donc justement, on va parler un petit peu des différentes épreuves. Donc la première épreuve, c'était exceptionnellement, la vidéo à envoyer à cause de la crise sanitaire. Mais quelles sont les trois dernières épreuves? La dernière épreuve, c'est le concerto. Mais la deuxième et la troisième épreuve, quelles sont-elles? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que depuis quelques années, au niveau du choix des morceaux joués, on a fait une espèce de fusion première, deuxième épreuve. C'est-à-dire qu'ils ont une liste de choses qu'ils peuvent jouer, mais ils sont libres de les jouer dans la première épreuve ou dans la deuxième. Ce qui assure une certaine variété, y compris pour le public qui vient les écouter. Hein, donc là, vous avez passé un prélude des fugues de Bach, qui provient du clavier bien tempéré. Ça fait partie justement ce corpus d'œuvres là, des choses qu'ils peuvent choisir. Cette année, on leur a proposé aussi une étude de Chopin, une œuvre du répertoire romantique, une sonate qui soit de Beethoven, de Clementi, de Haydn, de Mozart ou de Schubert. Voilà, si vous voulez, ça présente à la fois un corpus restreint, mais quand même suffisamment vaste pour que les concurrents ne jouent pas tous la même chose, quoi. Bien sûr. Donc, et ça, c'est aussi important pour le jury aussi, hein, et puis le public qui va venir les écouter. Donc, je rappelle que toutes les épreuves sont sans partition. Ils n'ont pas le droit à la partition. D'accord. Alors, il y a une petite exception, c'est que lors de la troisième épreuve, qu'on appelle donc la demi-finale, là, ça va être la troisième édition pour laquelle un morceau de musique contemporaine composé exprès pour le concours est une figure imposée. Donc là, effectivement, c'est un morceau qui dure à peu près 5 minutes en général et que tous les concurrents vont devoir jouer. D'accord. Et le morceau de cette année s'appelle Spirit, il est de Guillaume Connaisson, qui est un jeune compositeur qui a un peu un nom dans la musique contemporaine. Et là, c'est le seul morceau pour lequel les concurrents ont droit à la partition. D'accord. C'est le seul. Voilà. Okay. Tout le reste se joue sans partition, y compris le concerto final. Alors là, donc je vous rappelle qu'ils démarrent, hein, première épreuve, ils sont, cette année ils étaient 103 à avoir envoyé leur vidéo, et à l'arrivée, à la finale du concours, ils seront 4. D'accord. Voilà, hein, pour vous dire que à chaque étape, élimination, le mot est un petit peu violent, mais disons que à chaque fois, il n'y a qu'un petit groupe qui va être retenu pour l'épreuve suivante. C'est-à-dire que là, on va en avoir 28 à la deuxième épreuve. Pour la demi-finale, ils resteront 8 à 10 maximum. Et puis, pour la finale, ils seront 4. Voilà. D'accord. Donc, il y a des participants éliminés, entre guillemets. Donc, il y a aussi forcément des récompenses pour les gagnants. Oui. Donc, quelles sont les récompenses délivrées lors de ce concours? Car, pour les trois premiers au classement, Ils auront tous les trois droit à un prix. Quatre. Alors, quatre premiers, oui, c'est les quatre finalistes effectivement sont primés. Alors la récompense, c'est une récompense en argent, hein, entre autres. Hein, c'est pas le seul intérêt d'être primé au concours, mais en tout cas il y a cet intérêt-là. Le premier prix c'est 10 000 euros. Le deuxième prix c'est 4 000. Et puis le troisième c'est 2 000 et le quatrième prix, c'est 1 000 euros. D'accord. Alors, c'est l'occasion de souligner que, bien sûr, on a des partenaires, on a des mécènes pour ce concours, on a un gros appui de la ville d'Épinal, hein, déjà, du conseil départemental, du conseil régional, et puis également des mécènes privés qui contribuent au fonctionnement et, je dirais, à la vie carrément de ce concours. Hein. D'accord. Donc, justement, quels sont les différents critères d'évaluation du jury pour décerner telle ou telle récompense aux participants et aux participantes ? C'est difficile de parler à leur place, mais l'idée générale que je peux vous donner, c'est que il y a des critères évidemment de virtuosité, de technique pianistique, surtout. Pour la première épreuve, en tout cas, ça va être quand même important pour la première sélection. Après, il y a des critères plus artistiques, de musicalité. La dernière épreuve, c'est ce concerto qui va être joué avec un orchestre. Hein. C'est l'orchestre de Metz, hein, qui est notre partenaire habituel, en tout cas qui le sera là pour cette édition 2021. Ce qui se produit parfois, c'est que les spectateurs qui viennent assister au concert de la finale, qui sert d'épreuve pour les concurrents qui vont jouer ces concertos, quelquefois les spectateurs disent moi j'aurais pas, je trouve que celui-ci il a mieux joué son concerto que l'autre, mais il faut déjà savoir que ils sont jugés sur l'ensemble de leur parcours de la semaine, hein, et pas seulement sur le concerto de la finale. Donc, ils vont avoir une appréciation qui va être faite sur l'ensemble des épreuves de la semaine, et pas seulement sur la finale. D'accord. Je crois savoir également que le jury accordera également des prix spéciaux. Oui, il y a notamment le prix de la SACEM qui va récompenser un concurrent pour son interprétation d'un morceau contemporain, par exemple. D'accord. Voilà, il y a un petit peu des prix particuliers, les principaux prix, c'est quand même les quatre premiers prix. Alors, je disais, c'est une récompense en argent, bien sûr, mais c'est aussi la possibilité d'engagement pour des concerts par la suite, et notamment le premier prix du concours revient généralement à Épinal l'année suivante pour donner un concert dans le cadre des concerts classiques. D'accord. D'ailleurs, je précise que le lauréat de l'édition 2019, qui était un jeune Belge, Valère Burnon, devait venir donner un concert le 13 mars à Épinal, et concert qui, bien sûr, n'aura pas lieu dans le contexte actuel. En tout cas, je ne le pense pas. Mais bon, voilà, tout ça reste en suspens, mais en tout cas, ça représente pour eux de potentiels engagements de concerts. Sur leur CV, avoir été primé au concours d'Épinal, c'est quelque chose qui compte. D'accord. Donc, bien que les participants et les participantes aient plusieurs morceaux au choix, je suppose que chaque année, plusieurs concurrents choisissent les mêmes morceaux à interpréter. Oui, bien sûr. Comment le jury départage les différents concurrents qui ont joué le même morceau ? Est-ce que c'est pareil, la virtuosité, la technique ? Oui, bien sûr. Alors eux, ils sont... c'est beaucoup aussi le style de l'interprétation, la musicalité, enfin des critères que seuls des pianistes chevronnés comme ils le sont, sont en mesure d'apprécier. D'accord. Si un concurrent est qualifié lors de la première épreuve, est-ce que... Donc, il va participer à la deuxième épreuve. Oui. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se demandent, est-ce que le concurrent qualifié interprète le même morceau que lors de la première épreuve ou doit-il obligatoirement jouer un autre morceau ? Chaque épreuve a un programme différent et il ne joue jamais deux fois la même chose. Hein. D'accord. Donc, ce qui explique, si vous voulez, que un concurrent qui vient à Épinal avec l'idée qu'il va aller jusqu'en finale, puisque, a priori, c'est son espoir. Bien sûr. Ça veut dire qu'il aura, travaillé un premier programme de 20 minutes hein, pour la première épreuve, mm-hmm. puis une deuxième épreuve de 35 minutes, puis une troisième épreuve de 40 minutes et enfin un concerto avec un orchestre qui est de une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Les concertos ont des durées assez variables. Et alors, vous me demandiez si tout à l'heure si des concurrents pouvaient jouer le même morceau. Alors, concernant les concertos, oui, et je dirais ça arrive régulièrement, puisque pour la finale... on leur propose un choix entre six concertos différents. D'accord. Donc, dans la mesure où il y aura quatre finalistes, la probabilité, je ne sais pas si vous êtes spécialiste des statistiques, pas moi, mais avec six concertos proposés à quatre pianistes, il y a de bonnes chances pour qu'il y en ait au moins deux qui jouent le même. Hein. D'accord. Et ça, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Alors, donc là, par exemple, pour l'édition 2021, on leur a proposé le concerto numéro 23 de Mozart, le concerto numéro 1 de Beethoven, le concerto numéro 1 de Chopin, le concerto en la mineur de Grieg, le concerto numéro 4 de Saint-Saëns et le concerto en sol majeur de Ravel. Eh bien là, par exemple, ce qu'on sait déjà, c'est que parmi les 28 concurrents sélectionnés, puisque nous, quand ils s'inscrivent, on connaît la totalité du programme qu'ils proposent, hein, y compris le choix de concerto si jamais ils vont en finale. Et le concerto numéro 4 de Saint-Saëns, aucun de ces 28 concurrents ne l'a choisi. D'accord. Donc on sait déjà qu'il ne sera pas joué pour ce concours-là. D'accord. Et c'est le concerto numéro 1 de Chopin qui a eu le plus d'adeptes. Donc c'est celui qui a le plus de chances d'être joué peut-être plusieurs fois. On le saura qu'en mars 2022. D'accord. Voilà. Donc vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, les lauréats des différents prix pourront-ils être engagés pour jouer dans des événements, on va dire, plus gros, plus importants ? Et si oui, comment cela se passe-t-il ? Alors déjà, je vous dis, par rapport au concours d'Épinal, il y a un partenariat avec les concerts classiques d'Épinal qui fait qu'ils reviennent pratiquement toujours, dans la mesure de leur disponibilité, donner un concert. Après, eux, ils ont aussi leur propre réseau de contacts, ils ont éventuellement un agent, enfin, qui se préoccupe de leur trouver des concerts, mais le fait qu'ils soient primés à Épinal, ben, leur ouvre, des portes, forcément, quoi. D'accord. Donc, il est 14h49, je vous propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence, dans un troisième morceau de piano, et que nous écoutions un autre des choix possibles par les concurrents, la sonate en C mineur, opus 13, pathétique, 3 rondo allegro, du célèbre Ludwig van Beethoven. Donc, comme je disais, un choix possible pour les concurrents. Donc, je vous propose que nous nous écoutions ça, et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line ou et Orange Radio. Il est 14h54. J'espère que vous profitez bien de cette journée ensoleillée. Ça devrait durer toute la semaine, normalement. Vous venez d'écouter un des choix possibles par les concurrents lors de ce concours international de piano d'Épinal. Morceau de musique intitulé la sonate en C mineur, opus 13, pathétique 3, rondo allegro de Beethoven, pardon, je me suis trompé. Nous sommes toujours en compagnie de Brigitte Tissot qui est venue nous parler de la 28e édition du concours international de piano d'Épinal. Ça va toujours ? Oui, très bien. Donc comme je le disais, il est 14h54, nous allons devoir bientôt conclure. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ? On peut toujours compter sur les familles d'accueil, parce que au moment où on n'était pas sûr de pouvoir faire ou non le concours, on avait quand même un petit peu lancé sur par mail, relancé les familles pour voir qui était prêt à accueillir des concurrents. Et je dois dire que bon, malgré la crise, on a quand même des familles qui nous ont répondu, voilà, en disant nous on est prêts, quoi. Et je pense que c'est voilà une grosse déception, hein, pour tous ceux qui nous suivent. Faut savoir qu'il y a à peu près 4000 personnes qui franchissent les portes du théâtre quand le concours a lieu. Donc c'est quelque chose de qui n'est pas anodin dans la vie de la cité. C'est aussi tous ces jeunes pianistes qui viennent à Épinal, bah c'est quelque chose qui dynamise la ville de toutes les manières, y compris la vie commerciale d'ailleurs de la ville, hein. Et donc c'est vraiment triste un petit peu pour tout le monde. Et on espère que du 6 au 13 mars 2022, on sera en mesure de réaliser la suite des épreuves de manière tout à fait classique. Bon, ce qui va se produire, c'est que dans la mesure où on va attaquer directement par la deuxième épreuve, si on y consacre toute la semaine, ça nous permettra de, si on en a la nécessité, d'organiser les choses en respectant un certain protocole sanitaire, voilà, parce que on aura du temps. En n'ayant pas à faire la première épreuve qui sera déjà faite, quoi. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si vous voulez, moi j'ai une petite question pour vous aiguiller. Où pouvons-nous retrouver toutes ces informations sur cette 28e édition du concours international de piano d'Épinal? Alors, c'est une bonne question. On a un site internet, hein, qui est très bien fait. Si vous tapez dans un moteur de recherche concours international de piano d'Épinal, vous allez tout de suite tomber dessus. Et là, il y a vraiment toutes les informations, y compris les résultats en détail de la première épreuve, avec le nom des concurrents, leur pays d'origine. On a mis tout ça en ligne sur notre site internet. On a également une page Facebook sur laquelle on publie toutes les informations qu'on peut avoir, y compris parfois des informations ou des vidéos qui concernent d'anciens concurrents du concours. On relaie ça très facilement sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. D'accord, je mettrai les liens avec le podcast de cette émission sur notre page Facebook à nous. Je mettrai les liens pour qu'ils puissent y aller, très bien, pour que nos auditeurs puissent s'y rendre facilement. Voilà. Donc voilà, il est 14h58. C'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Brigitte Tissot d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, nous souhaitons tout le meilleur aux participants et aux participantes du concours international de piano d'Épinal pour la réussite de ce concours et pour qu'ils leur réussite tout simplement en général. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Sophie Bargnaud, qui sera là pour nous parler de la fabrique Aviva. Donc merci encore à Brigitte Tissot d'avoir accepté notre invitation. En attendant, je vous laisse en musique avec Pino D'Angio et son titre OK OK avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier à 18h. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à demain. Salut et à demain.